Bienvenue au 25e épisode du podcast des mots. Ce podcast n'est pas recommandé aux enfants. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, mam. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Parasite, réalisé par Bong Joon-ho, en espérant que je ne l'ai pas trop mal prononcé. C'est un film coréen ayant remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes à propos d'une famille sans le sou qui vit en bidouillant et dont les membres vont réussir, un après l'autre, à se faire engager par une famille riche, en se créant de fausses identités, en arnaquant. Ce n'est pas tout à fait une comédie, mais il y a un certain humour, un certain plaisir à la chose. Les acteurs sont excellents. La photographie et la mise en scène sont très réussies. Le concept de départ est intéressant et amusant. Mais la question est la suivante. Est-ce que ça reste intéressant? En plein milieu du film, quand l'intrigue commençait à perdre en intérêt et le film commençait à traîner en longueur, surgit un événement que je ne spoilerai pas, mais qui change complètement la nature du film. On prend une tournure plus dramatique. Cela entraîne des moments intéressants et je comprends où le film veut aller, mais l'émotion ne suit pas complètement. Cet abrupt changement narratif, ce changement de ton, ne suit pas du tout une pente émotionnelle cohérente. On peut se demander si c'est légitime. Ce qui ne signifie pas que le film ne soit pas intéressant. Au moins, le film évite certains écueils faciles. Il ne prend pas le public pour des abrutis. Si au moment de regarder le film, on n'est pas nécessairement tout à fait satisfait, le film nous habite après. Ça peut faire une discussion intéressante si on regarde le film à plusieurs ou sinon, tout simplement, une réflexion. Et puis, si le film s'intéresse avant tout au personnage, au drame familial, il aborde tout de même un peu certains sujets, notamment les inégalités économiques. Par contre, si le film est intéressant après coup, cela ne change pas le fait que je n'ai pas tout à fait embarqué émotionnellement en le regardant. Ce qui en fait un très bon divertissement, mais pas vraiment plus. Ce qui est déjà très bien. Je donne donc à ce film une note de 3 sur 5. À la prochaine.